Je m'appelle Marion, j'ai 30 ans. Marjorie, c'est une super amie à moi, on s'est rencontrés il y a 10 ans à la danse. On est devenues maman quasiment au même moment. Et moi, ça a été un peu compliqué avec mes employeurs et j'ai pu voir qu'elle a eu beaucoup de chance d'être chez Lidl à ce moment-là. Ils ont tout de suite été super humains et compréhensifs. Ils lui ont aménagé ses horaires et puis après, ils lui ont permis de pouvoir être disponible pour son fils. Et elle est devenue plus responsable, encore plus que ce qu'elle n'était déjà, et ça lui a permis d'évoluer. Lidl, bien plus qu'un job. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une maison d'édition née pendant l'occupation et contre elle, les éditions de minuit. Cette histoire est donc celle de résistants, des femmes et des hommes courageux qui n'ont ni saboté de train, ni pris le maquis, ni estourbi le moindre allemand, pas plus qu'ils n'ont brisé les barreaux des prisons de leurs frères d'armes, mais ils sont fabriqués dans le plus grand secret, au péril absolu de leur vie, des livres. Et dans ces pages interdites, la France, qui ne s'était pas faite à l'occupation, a retrouvé ce que le nazisme et Vichy voulaient à tout prix étouffer, l'humanisme, l'universalisme, le pacifisme et la liberté des écrivains, qui ne s'étaient pas soumis. Et pourtant, cette naissance héroïque ne suffit pas à expliquer le prestige dont bénéficient encore aujourd'hui les éditions de minuit. S'il s'agit toujours d'une maison à la qualité unique, c'est qu'au sortir de la guerre, un autre homme a pris le relais de la génération résistance. Il s'appelle Jérôme Lindon et il a fait de minuit les éditions de ce qu'on appellera le nouveau roman. Comme quoi, l'insoumission, toujours, guide les pas de cette maison, celle de Pierre Bourdieu, de Gilles Deleuze, de Claude Simon et de Marguerite Duras, pour ne citer que. Insoumis, résistant, voici l'histoire, par la preuve, de deux des mots les plus beaux de la langue française. Notre invitée aujourd'hui, Anne Simonin, historienne, directrice de recherche au CNRS, autrice de deux ouvrages consacrés aux éditions de minuit, précisément. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Camille Mathy. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous, dans tous vos foyers, partout. 21 octobre 1940. Sur les radios clandestines parvient à la France une allocution dans notre langue du premier ministre britannique, l'immense Winston Churchill, le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale sur le front ouest, l'homme qui ne s'est jamais couché, tout comme son peuple, sublime de courage et de sang-froid. Voilà 4 mois que les nazis ont écrasé les troupes françaises. 3 mois que Pétain a été porté au pouvoir, que De Gaulle a rejoint Londres et que la France a capitulé. Hitler a gagné et il a coupé la France en deux. Il y a la zone occupée et la zone qu'on appelle faussement libre. Car dès lors que Pétain et sa clique de revanchards anti-républicains ont pris le pouvoir, plus personne n'est libre en France. Et bientôt, les Allemands occuperont tout le pays. Mais des deux côtés de la ligne de démarcation et à l'étranger, la résistance française s'organise. Et si en ce 21 octobre 1940, Churchill s'adresse aux Français, c'est pour les appeler, comme De Gaulle l'a fait le 18 juin, à résister. Parce que Hitler ne se contentera pas d'une simple occupation. Je vous dis la vérité. Et il faut que vous me croyiez. Cet homme de malheur, ce monstre avortant de la haine et de la défaite, n'est résolu à rien, moi, qu'à faire entièrement disparaître la nation française, qu'à broyer sa vie même et son avenir. Il se prépare par toutes sortes de moyens sournois et féroces à tarir pour toujours les sources de la culture et de l'inspiration française dans le monde. Hitler veut détruire la nation française. Pas seulement son armée, mais ses lois, sa langue, sa culture, son histoire et sa foutue démocratie soi-disant molle, comme l'estimait l'incendiaire nazi. En face, il y a l'exact contraire de cette folie. Churchill, symbole de la démocratie forte, justement. Ce système démocratique qui, rappelons-le, aura gagné toutes ses guerres contre les dictatures. Un homme en particulier écoute, transcendez le message de Churchill. Il s'appelle Pierre de Lescure. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et ses contemporains non plus, hormis quelques initiés du monde littéraire. Eh bien, c'est un critique et un écrivain. C'est surtout un homme indigné, parce que, autour de lui, l'immense majorité du milieu littéraire accepte les nouvelles règles des nazis si méticuleusement appliquées par le gouvernement félon de Vichy. Et ces règles, quelles sont-elles? L'interdiction de milliers de livres, considérés comme anti-allemands, alors qu'ils sont plus justement anti-nazis. Parmi lesquels, évidemment, les livres des auteurs juifs et communistes, et bientôt la littérature anglaise et américaine. Malraux, Saint-Exupéry, Aragon, interdit. Freud, Marx, Einstein, interdit. Wells, Orwell, Hemingway, interdit. Et le monde de la littérature va plus loin. De grands écrivains français collaborent, Drieu La Rochelle, Céline, Rebatté, Brasillac, versent dans le fascisme et dans l'antisémitisme. Et ce sont eux qui sont édités. Parce que les éditeurs, presque tous, collaborent eux aussi. Les nazis et Vichy étouffent les intellectuels. Les éditeurs de Noël, Grasset, Gallimard, dans une moindre mesure, sont à leur tour sous contrôle. Mais Pierre de Lescure n'accepte pas cette compromission. Il entend l'appel de Churchill et il va y répondre. Je me revois dans un jardin, à Paris. Je me revois traversant le jardin où flottait, quelques mois auparavant, l'esprit et sa fantaisie, et ses libertés légères. Des fils de fer barbelés interdisaient maintenant l'accès de certaines allées. Des blocos de ciment jaillissaient parmi les pelouses bouleversées dans ce jardin du Luxembourg. Et peut-être ce jour-là, dans ce jardin de la jeunesse et de la pensée, me suis-je dit qu'il devait exister en France des écrivains qui refuseraient le mot d'ordre. Et j'ai pris la décision, peut-être ce jour-là, de créer des livres qui pourraient permettre aux écrivains français de s'exprimer au milieu de cette nuit fabriquée par les maîtres de la guerre. Pierre de Lescure est né en 1891 dans une famille profondément républicaine. La République, sous la Troisième République. Ce n'est pas une évidence. Non, ça reste un combat, particulièrement dans son milieu catholique conservateur, d'où toute une partie penche pour le monarchisme et appelle la République la gueuse. Pierre de Lescure est passionné par la littérature. Il en a fait son métier, à tous les niveaux. Il a dirigé des revues, il a été éditeur, il a monté une librairie et il a écrit. Mais cette activité n'est pas un gagne-pain. Lescure est un fervent catholique et il est entré en littérature comme on entre dans les ordres. Dans sa foi comme dans ses actes, il est obsessionnellement à la recherche de la même chose, la pureté, que la montée du fascisme, précisément, met en grave danger. En réaction, il rompt avec son milieu conservateur et se tourne vers les communistes pour lutter contre les fascistes. En juin 1940, quand la France capitule, fidèle à sa conviction, il s'engage immédiatement dans la résistance pour, dit-il, défendre la pureté spirituelle de l'homme. Il rejoint un réseau qui fournit du renseignement britannique, résistant, proche des communistes et du milieu littéraire. C'est donc tout naturellement que Lescure est sollicité pour participer à l'une des premières publications clandestines de la guerre, une revue fondée par trois écrivains communistes qui prend pour nom La Pensée Libre. Son ami Jean Brulaire, le deuxième héros de cette histoire, se souvient. Jusqu'à fin 40, j'ai habité ma campagne, cherchant à prendre des contacts, mais c'était pas très facile. Et j'étais particulièrement lié avec un vieil ami à moi qui s'appelait Pierre de Lescure, et qui un beau jour m'a amené dans sa chambre pour me montrer en grand secret une revue. C'était la première revue clandestine, qui s'appelait La Pensée Libre, qui était éditée d'ailleurs par les communistes, mais il voulait élargir la rédaction pour que ce ne soit plus une revue purement communiste, mais une revue résistante. Et c'était adressé à Pierre de Lescure parce qu'il était en relation avec beaucoup d'écrivains. Lescure est proche des communistes, mais pour lui, la ligne éditoriale doit être indépendante des partis. Les fondateurs de la revue sont d'accord et partant pour un second numéro. Et Lescure propose à son ami Jean Brûleur, qui n'est pas communiste, de l'aider. Arrêtons-nous un instant sur ce Jean Brûleur, que par ce patronyme vous ne connaissez peut-être pas, mais qui dans quelques minutes va vous paraître familier. En 1940, il est connu tout au plus de son immeuble, comme on dit, tout comme Lescure d'ailleurs. C'est un illustrateur satirique qui a travaillé pour des revues et des publicités. Une activité qui lui vaut une réputation modeste, mais qui fait de lui tout de même un véritable technicien de livres. Brûleur n'est pas célèbre, mais il connaît parfaitement le papier, l'encre et les imprimeurs. Lescure et lui se sont rencontrés en 1929 et sont devenus amis. Ils partagent les mêmes convictions. Brûleur est le fils d'un Hongrois juif qui a fui son pays et son antisémitisme pour vivre libre en France. La famille Brûleur est devenue française parce qu'elle admirait ce pays. Celui de 1789, de Victor Hugo et de la liberté, on connaît ce classique. Et Brûleur est convaincu que la France, après le carnage de la Première Guerre, doit montrer au monde la voie de la paix, la voie de la civilisation. L'avènement du nazisme et la capitulation sont évidemment un désenchantement cruel. Alors, Brûleur arrête de dessiner. Il refuse de fournir ne serait-ce que quelques dessins à un milieu qui collabore. Mais travailler pour une revue résistante, ça oui, il veut bien. Et c'est ce que son ami Lescure lui propose justement. Étrangement, il lui demande d'écrire une nouvelle. Mais Brûleur n'est pas écrivain. Ou mieux, a-t-il écrit des bouches de romans policiers quelques pages depuis le début de l'occupation ? Rien de plus. Mais Lescure a une intuition. Alors Brûleur se met à la tâche. Il écrit effectivement une nouvelle, une cinquantaine de pages, qui renverse Lescure, littéralement, c'est qu'à de le dire, car c'est de la haute littérature. D'ailleurs, il déclare « Cela faisait longtemps qu'une lecture ne m'avait ainsi bouleversé. » La nouvelle sera publiée dans la revue. Mais c'était sans compter la Gestapo. Nous sommes à l'été 1941 et les nazis ont remonté la trace de la revue clandestine. Ils arrêtent l'imprimeur et brûlent tous les exemplaires. La contribution de Brûleur est la seule à leur échapper, parce qu'il travaillait à des corrections et il n'a pas rendu sa nouvelle à temps. Lescure et lui se retrouvent donc avec son œuvre, mais sans revue. Alors ils ont une idée. Et si nous l'éditions nous-mêmes ? Et si, après, nous en éditions d'autres ? L'écrivain Jacques de Bubrivel, l'une des premières plumes des éditions de Minuit, se souvient. Quel était le rôle des écrivains français ? Les uns collaboraient. D'autres, sans collaborer, allaient mendier le visa à la propagande à Staffel et aux autorités allemandes. Et enfin, il y avait tous ceux qui se taisaient. Ce silence ne nous a pas paru suffisant, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représentait pour la vie clandestine qui devait se cacher, s'abriter, le problème de trouver un auteur, faire composer un livre, faire brocher ce livre et diffuser ce livre. Donc c'est Lescure qui a eu la première idée de faire une maison d'édition clandestine. Publier clandestinement relève de l'exploit, bien sûr. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écrire, ni même de financer, à la limite, ça n'est pas le plus difficile, non. Le péril, c'est que la Gestapo et la police contrôlent les imprimeurs. Il faut donc en trouver un fiable et se procurer du papier, distribué par l'administration par exemple, et des caractères d'impression, parce que chaque imprimeur a les siens, avec ses particularités. La queue du P légèrement penchée, le point du I jamais tout à fait centré. Or, la Gestapo, tout comme la police, reconnaît les imprimeurs rien qu'à leur caractère. S'ils se font serrer, c'est la prison. Et le plus souvent, l'exécution. Mais Brûleur connaît les imprimeurs et il y en a un en qui il a confiance. Il s'appelle Hollard. Il possède une imprimerie dans le quartier Mouffetard. Il est acquis à la cause, il a du papier, mais il emploie une vingtaine de personnes. Trop risqué. En revanche, lui connaît un imprimeur qui fera l'affaire. Brûleur lui rend donc visite. Lui s'appelle Hauteville. Son imprimerie se trouve en face de l'hôpital de la Pitié que les Allemands ont réquisitionné. Dans un petit local, on imprime des faire-part, de décès souvent, et sous le nez de l'occupant, Brûleur fait imprimer la nouvelle. mais l'imprimeur ne sait pas qui l'a écrite. Et personne ne doit savoir. Ni ses amis, ni même sa propre femme. Non, le risque est trop grand. Sur la première de couverture, il y a donc un nom qui n'est pas le sien. En l'occurrence, le nom d'une région, d'une forteresse naturelle au pied des Alpes, Vercors. Le titre du livre, Le silence de la mer. L'éditeur, il n'a pas encore été choisi. Et Brûler, alias Vercors, donc, ne tarde pas à le trouver. L'écrivain Jacques de Bubridal raconte. Vercors et Lescure même ont composé, je crois, le premier numéro des éditions de Minuit en réservant sur la couverture le nom de l'éditeur, enfin le titre de l'édition. On avait songé en calquant notre titre sur l'expression anglaise aux éditions souterraines, underground. Et puis certains pensèrent aux éditions des catacombes. Et c'est finalement Vercors, autant que je me souvienne, qui a trouvé le nom d'édition de Minuit auquel chacun s'est rallié d'enthousiasme. Mais du reste, c'était un fort beau nom, un fort beau titre. Les éditions de Minuit sont nées. Elles sont donc l'œuvre de deux inconnus. Les pages sortent discrètement de l'imprimerie, puis elles sont transportées en métro jusqu'au Trocadéro, chez une amie de Jean Brûler, du nom d'Yvonne Paraff. C'est elle qui se charge de brocher les pages, pendant que Vercors, dans la cuisine, colle les couvertures. Le 20 février 1942, les quelques centaines d'exemplaires du Silence de la mer sont imprimés. Trois jours plus tôt, a eu lieu une vague d'arrestation. Les trois fondateurs de la revue pour laquelle Lescure et Brûler avaient travaillé, Decourt, Solomon et Politzer, sont arrêtés par la police. Ils sont fusillés, rappelant à tous les résistants les risques qu'ils prennent. Et pourtant, ils n'arrêtent pas. Ils sont nos héros authentiques. Le Silence de la mer est vendu sous le manteau à des personnes fiables. Et le milieu intellectuel résistant découvre, ébloui, un livre merveilleusement conçu et une nouvelle extraordinaire. Le Silence de la mer, c'est l'histoire d'un officier nazi logé en France chez un homme et sa nièce. Et il se trouve que cet officier n'est pas un monstre, au contraire. Il est extrêmement élégant, poli, et il aime la France. Alors il faut, pense Vercors, pour l'honneur de l'humanité qu'un tel Allemand existe. Mais même à cet Allemand-là, les Français contraints de l'accueillir ne cèdent pas. Ils leur parlent, mais eux jamais ne répondent. C'est le silence requis devant l'occupant. C'est exactement ce que Minuit demande aux Français. Dans ces quelques pages, il y a toute l'essence de cette maison d'édition. Le refus d'envahisseurs, la conviction humaniste que les Allemands ne sont pas tous nazis et la condamnation de la collaboration. Le roman parvient en Angleterre. Là, il est tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires. Maurice Schumann, voix de Radio Londres et futur père de l'Union Européenne, bien sûr, se souvient. Le choc a été immense dans les milieux intellectuels, tout au moins de la France libre. Cette synthèse, cette fabuleuse synthèse d'une résistance implacable, je veux dire sans nuance, et d'autre part, d'un espoir de réconciliation franco-allemande qui n'était pas explicite, mais qui était partout présent, avait une telle valeur à nos yeux, nous en avons été saisis et irréversiblement saisis. Les éditions de Minuit deviennent immédiatement une icône et Vercors une légende. Sans que personne ne sache qui il est, c'est, dira Aragon, le seul vrai secret de la guerre. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. et j'ai la France entière. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi et je tourne en rond dans la prison des frontières. À quoi sert un livre en pleine occupation? Quelques pages lues par la bonne société française en France et en exil? Pierre de Lescure l'explique tout simplement. L'existence de ce petit volume introduisait plus que de l'espoir. Elle instaurait du possible. Dont acte. Reste à publier d'autres livres. Parce que des éditions qui ne sortent pas de bouquins, c'est évidemment un fiasco. Et précisément, Vercors a un peu peur. Il y a eu ma grande inquiétude de la première année où nous ne recevions aucun manuscrit. Annoncer une maison d'édition en France et à l'étranger et qu'il n'y ait qu'un seul livre, c'est dramatique. Ça montrera qu'il n'y avait vraiment qu'un écrivain. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il fallait bien le temps pour les autres de se mettre à écrire quelque chose. De sorte qu'en effet, les ouvrages nous sont venus d'abord lentement, puis de plus en plus vite, et à la fin, on était submergés. Février 1943, voici un an que Le silence de la mer a été publié. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, les Soviétiques ont défait les nazis à Stalingrad, et les premières informations terribles sur les camps d'extermination circulent. Pour trouver de nouveaux manuscrits, Minuit sollicite l'un des hommes les plus influents des lettres françaises, Jean Paulhan. Il est l'ancien directeur de la Nouvelle Revue Française, édité par Gallimard, l'un des centres névralgiques de la littérature du pays. Eh bien, c'est ce Paulhan qui, secrètement, apporte à Minuit de nouveaux auteurs, et les plus grands, Aragon, Éluard, Mauriac, Triolet, Gide. Il y a des communistes, des gaullistes, des chrétiens, des juifs. Les éditions de Minuit sont indépendantes et libres. Et chacun, comme Vercors, s'est choisi comme nom un morceau de la France. Signé Forez, Santerre, Argonne, Cévennes. La fabrication, elle, s'est améliorée. Hollard a pris ses dispositions, il imprime le dimanche, avec deux employés, les volets fermés. Il tire 1500 exemplaires en une journée. Et le soir, on balaye les chutes, on range les plombs et on rentre chez soi. Chez Yvonne Paraf, l'ami de Brudère, les livres s'empilent. Avec deux autres femmes, elles sillonnent Paris à vélo, les bouquins dans les sacoches, et elles les acheminent jusqu'au domicile de ceux qui se sont abonnés. Quelques libraires les vendent, eux, dans leur arrière-boutique, et un bouquiniste sur les quais les donne aux plus démunis qui les demandent. À chaque parution, Minuit devient plus héroïque. Vercors, l'inconnu, voit sa gloire culminer le jour où, depuis son jardin à la campagne, il aperçoit un avion anglais se délester de milliers de brochures. Ce sont des pages de son Silence de la mer. Minuit est l'honneur de l'esprit français. Et l'honneur est à son comble en août 44, évidemment, à la libération de Paris. Paul Éluard est maintenant le directeur littéraire de Minuit. Il s'exprime le 20 août à la radio Enfin Libre. Chers auditeurs, c'est enfin Paris qui vous parle. C'est Paris qui vient d'arracher son bâillon, qui retrouve sa liberté. Et pour Paris, la liberté, c'est la vie. Dans quelques jours, demain peut-être, la France délivrée sera redevenue ce qu'elle n'a jamais cessé d'être pour ceux qui lui gardaient intact leur amour. La plus belle, la plus douce, la plus profonde et la plus légère des patries, notre patrie. Paris est libéré, et alors que les chars nazis sont encore fumants, les enregistrements des poèmes d'Éluard, d'Aragon et d'autres poètes de Minuit passent en boucle sur les ondes. De Gaulle prépare son gouvernement. Il veut nommer Vercors, sans même savoir qui il est. Tiens, va pour ministre de l'Information. Ce que Vercors refusera. Et alors que la guerre se termine, Brûlère se délivre de son secret. Il apprend à sa femme, stupéfaite, et à la France entière, que le héros littéraire de la Résistance est un auteur que personne ne connaît et qui, en plus, formidable coïncidence, s'est choisi comme nom celui du maquis le plus célèbre de la Résistance. « Je n'ai pas choisi l'engagement, dit-il. C'est l'engagement qui m'a choisi. » Ce qui ne manque pas de panache. Les éditions de Minuit publient 25 livres sous l'occupation. Tous condamnent les profiteurs du désastre, comme les appelle Elsa Triolet. Vichy ? Quiconque pourra contempler sans dégoût la France de Vichy, écrit Jean Lescure, se désignera lui-même comme l'ennemi de la France. Mais comment expliquer que les éditions de Minuit aient été si peu inquiétées sous l'occupation ? Peut-être, et d'abord, parce qu'elles ont été discrètes, habiles, mais surtout, parce que dans l'esprit des nazis, un livre nouveau d'un auteur anonyme, pas de quoi fouetter un chat. La guerre est terminée, et les éditions de la Résistance entrent dans une nouvelle ère. Elles sont couvertes de gloire, et pourtant, elles vont s'écrouler. Ouais. Gercor raconte. Moi, je ne voulais pas les continuer. J'estimais que cette maison était utile pour publier des textes qui n'auraient pas pu être édités autrement, mais qu'après la guerre, tout le monde pouvait éditer librement et que nous n'avions plus de signification. Mais j'étais le seul à le penser. Éluard, Aragon, tout le monde a dit qu'il faut continuer cette maison d'édition. Je n'ai pas voulu ne pas le faire, mais je savais d'avance que, d'abord, nous n'avions pas d'argent. Ensuite, nous n'étions pas des éditeurs de métier, qu'on s'engageait là dans une aventure qui ne tournerait pas bien. Et les événements m'ont donné raison. Finalement, Vercors se laisse convaincre. Allez, il continue. Mais Pierre de Lescure y est farouchement opposé. Ce que je désire, dit-il à Vercors, c'est de ne pas toucher de l'argent sur une œuvre de résistance. Et il quitte les éditions. Vercors se retrouve donc seul aux commandes de cette maison, au milieu de grands éditeurs qui reprennent normalement leurs activités. Parce qu'une fois la guerre terminée, oui, on reprend tranquillement comme avant. Oh, il y a bien une épuration. Dreux La Rochelle se suicide, Rebatté est condamné à mort, Brasillac est fusillé. Mais les éditeurs ne subissent pas les conséquences de leur collaboration. Et les auteurs de Minuit repartent chez leurs éditeurs d'avant-guerre. Et ça, Vercors ne l'accepte pas. Il est, comme Lescure, impitoyable avec ceux qui se sont compromis, Gallimard en tête. C'est une question de foi, dit-il. Mais cette inflexibilité paralyse Minuit, parce qu'aucun auteur n'est assez vertueux pour Vercors. Sa maison d'édition ne vend presque plus de livres, et 3 ans après la libération, elle sombre dans la faillite. Il faudrait un miracle pour qu'elle survive. Or, ce miracle existe. Embauché en 1946, il s'appelle Jérôme Lindon, et il raconte des années plus tard. Un jour, allant au mariage d'un camarade de régiment, j'ai appris que les éditions de Minuit étaient dirigées par Paul Silva Coronel, qui avait été officier dans le même régiment que nous. Je me suis présenté à lui, il m'a embauché comme stagiaire, simplement non rémunéré. Et c'est comme ça que je suis entré aux éditions de Minuit, non pas comme chef de fabrication, mais comme employé à la fabrication sous les ordres de Madame Vercors. Jérôme Lindon vient d'une famille juive et bourgeoise d'intellectuels fortunés. Il a été élevé dans l'admiration de la France républicaine et il sort de la guerre, lui, juif patriote, en faisant l'horrible constat que cette France qu'il aimait aurait pu l'envoyer mourir dans les camps. C'est à 15 ans qu'il entre dans la résistance. Il rejoint un maquis dans le Tarn et la guerre, il l'a fait non pas avec un stylo à la main ou des livres dans un sac, non, il attaque des trains avec des mitraillettes. La guerre est finie. Et passionné de littérature, il s'imagine dans une maison d'édition. Mais pas en éditeur, non, en chef de fabrication. En clair, en imprimeur. Il a 21 ans en 1946 quand il est embauché en stage. Et la direction sait que la famille de Lindon a de l'argent. Alors elle lui demande de renflouer la trésorerie. Demande acceptée. Pour une raison. Parce que Minuit est la maison d'édition de la Résistance. Et à une condition, que Jérôme Lindon entre à la direction. Voilà. Nous sommes en mai 1947. Lindon siège maintenant au conseil d'administration et un an plus tard, il devient PDG des éditions de Minuit. Il est contraint de pousser l'inflexible Vercors vers la sortie. Minuit a 12 millions de francs de dettes et son seul grand auteur, Vercors, a pris la porte. Alors, comment cette maison d'édition pourrait-elle survivre avec un patron de 23 ans qui n'ambitionnait même pas d'être éditeur ? Quand je suis entré aux éditions de Minuit, je n'avais pas du tout pensé une seconde que j'allais en devenir le directeur. Puis il se trouve que les circonstances, comme je vous l'ai dit, ont fait que je me suis retrouvé avec personne d'autre à côté de moi. Donc il a fallu que je choisisse à ce moment-là, ou même pas que je choisisse, mais que je décide quand même si j'allais continuer ou pas. Et comme je suis quelqu'un d'assez paresseux, ben j'ai continué. Et c'est comme ça que je me suis trouvé être, sans l'avoir vraiment voulu, avoir à diriger, mais pas seulement sur le plan littéraire, mais sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan économique, une entreprise, ce à quoi je n'étais absolument pas préparé. Exactement comme la littérature s'est imposée à Vercors sans qu'il la cherche, l'édition s'impose à Lindon sans qu'il la veuille. Il va donc chercher des auteurs chez l'ancien ennemi juré, Gallimard. Les mois passent et Jérôme Lindon parvient à maintenir Minuit à flot. Il publie des romans et des essais, il engage Minuit dans le débat intellectuel et il cherche des auteurs nouveaux. Mais il est assailli par un horrible doute. Comment en effet reconnaître un grand auteur ? Il sait bien, quand il lit Faulkner ou Kafka, par exemple, que ce sont d'immenses écrivains. Mais il les lit en sachant déjà que ce sont des monuments. Or, le jour où un grand auteur encore inconnu se présentera, saura-t-il, lui, Jérôme Lindon, le reconnaître ? C'était aussi le questionnement de Romain Gary quand il a publié son roman La vie devant soi, sous le pseudonyme de Gary Ajar. L'éditeur prendra du Gary sans même savoir si le livre mérite de vivre, mais que fera-t-il d'un Ajar ? Voilà. Et c'est aussi le problème de Vincent Lindon. Bien que, pense-t-il, lucide, il y ait peu de chance qu'un nouveau grand écrivain s'adresse à lui. Parce que les grands éditeurs auront attrapé les chefs-d'œuvre qui traînaient bien avant qu'il ne finisse sur le bureau de sa toute petite maison d'édition de Minuit. Mais ses doutes s'effacent un matin d'octobre 1950. Ce jour-là, un homme et une femme sont attablés à une table de café face aux éditions de Minuit. La femme tient des manuscrits et l'homme lui dit « Si cette fois je suis édité, je te paye un paquet de cigarettes. » Cet homme a présenté ses manuscrits à 7 éditeurs, dont Gallimard. Il s'est fait 7 fois blackboulé. Dernière chance donc, les éditions de Minuit. La femme, sa compagne, traverse la rue, monte chez Minuit, dépose les manuscrits. Lindon les prend, il en lit le début dans son bureau et il les saisit dès les premières lignes. Alors, il emporte le manuscrit dans le métro, le lit d'une traite jusqu'à la dernière page. C'est bien l'œuvre d'un grand écrivain, et il s'en est immédiatement aperçu, contrairement à tous les autres éditeurs. Il s'agit d'un Irlandais absolument inconnu, un certain Samuel Beckett. Lindon le publie immédiatement. Journal de 20h, 23 octobre 1969. Ce témoignage de Jérôme Lindon qui vient de réaliser un coup de maître en signant Beckett. Jérôme Lindon, dans quelques secondes peut-être, le téléphone sonnera et à l'appareil, il y aura Samuel Beckett qui ne sait pas encore qu'il a le prix Nobel. Vous qui êtes son ami, pouvez-vous nous parler de lui, lui qui n'aimait pas justement parler de lui-même ? Je ne saurais pas très bien parler de lui-même, moi non plus, parce que justement, une des principales caractéristiques et des principales qualités de Samuel Beckett, c'est sa discrétion et sa modestie. Pourriez-vous me donner un mot pour le définir ? Je ne crois pas que je saurais. Je ne crois pas que je saurais parce que il faudrait que je le connaisse mal pour pouvoir le définir d'un seul mot. La découverte de Samuel Beckett, prix Nobel de littérature en 1969, voilà le troisième miracle des éditions Minuit après l'entrée en littérature de Vercors et après l'entrée dans l'édition de Lindon. Depuis Beckett, Lindon a édité Bourdieu, Derrida, Deleuze, Nathalie Sarraute, Robe Rieu ou Claude Simon. Aujourd'hui, c'est la maison de Jean Echenoz, de Marie Ndiaye ou de Jean-Philippe Toussaint. Ce ne sont plus les éditions de la Résistance, mais Minuit toujours. Et rester fidèle au manifeste de Pierre de Lescure, glissé dans les premières éditions du Silence de la mer et qui disait « Il existe encore en France des écrivains qui ne connaissent pas les antichambres et les mots d'ordre. » Ils sentent profondément que la pensée doit s'exprimer pour agir sur d'autres pensées sans doute, mais surtout parce que s'il ne s'exprime pas, l'esprit meurt. Tu n'en reviendras pas, toi, qui courait les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu. Quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la belle histoire des éditions de Minuit dont nous allons parler avec notre invitée Anne Simona. Bonjour. Bonjour, Fabrice Drouel. Historienne, directrice de recherche au CNRS, vous êtes l'autrice de deux ouvrages consacrés aux éditions de Minuit. Les éditions de Minuit, 1942-1955, c'est le titre. Le devoir d'insoumission, d'abord publié chez l'IMEC en 1998, réédité et augmenté par la suite. Et le droit de désobéissance, les éditions de Minuit en guerre d'Algérie, publié aux éditions de Minuit en 2012. Vous êtes également, et enfin, l'autrice d'un autre essai, publié lui chez Grasset en 2008, Le déshonneur dans la République, une histoire de l'indignité de 1791 à 1958. J'ai dit Vincent Lindon tout à l'heure, vous entendez? Jérôme Lindon, et le dernier, j'ai dit Vincent Lindon. Il est réactualisé. Connaît, voilà, je crois qu'il aime bien France Inter. Il a fait un peu partie de l'environnement. Bon, c'était pas donc Vincent Lindon, mais bien Jérôme. Alors, la vision de la France que les lecteurs trouvaient dans les pages des éditions de Minuit sous l'occupation, on la connaît. Mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, des livres refusés. Et pourquoi? Que sont ces livres refusés et ces auteurs refusés? Alors, dans les extraits que vous avez cités, il y a une chronologie très particulière des éditions de Minuit, c'est-à-dire qu'il y a une densité chronologique. On a toujours un peu de mal à imaginer quand on vit dans une période dite normale. Donc, il y a ce premier volume en 42, mais en réalité, les éditions ne vont prendre, à proprement parler, leur essor qu'au printemps 43. Et le temps de trouver des manuscrits. Alors, c'est pas que les... Quand Vercors dit il fallait que les gens aient le temps de rédiger, j'aimerais tellement que ce soit le cas. Il fallait aussi que les écrivains concernés veuillent bien prendre le risque. Et notamment, il y a des gens qui ont refusé. Vous parlez de refus, il y a des gens qui ont refusé de publier aux éditions de Minuit parce que c'était trop risqué. Et il y a même des gens qui ont refusé. Alors Jean Lescure, que j'ai eu la chance de connaître, et qui est pas apparenté à Pierre de Lescure, qui est le lieutenant de Paul-Éluard, voulait absolument raconter que comment il avait, il voulait absolument publier un texte de Sartre dans Domaine français. Domaine français qui sera une publication intermédiaire, publiée en 43 en Suisse, et que Sartre le faisait lanterner pour des raisons X ou Y. Et jusqu'à ce que Jean Lescure lui dise, écoute, j'ai un poème de toi au lycée du Havre, si jamais tu me donnes pas ton texte, c'est celui-là que je publierai. Et il dit, c'est comme ça que j'ai eu Sartre. Donc, pour dire que c'était pas facile de d'harponner en quelque sorte des écrivains et de les emmener du côté non pas du semi-légal, non pas de ce que Aragon a appelé la littérature de contrebande, c'est-à-dire de dire des choses interdites avec des mots autorisés, tout en jouant sur la bêtise de la censure, mais de leur faire franchir un pas qui était celui de la clandestinité. Et donc ça a été, alors on a du mal parce qu'effectivement vous dites très justement c'est une forme minuit de résistance civile, donc c'est pas de la résistance armée, ils sont pas allés porter des bombes et faire exploser le Majestic, mais on a du mal à voir peut-être et à mesurer ce que ça représentait que de franchir le pas de la clandestinité. Et ça, ça n'était jouable qu'à partir du moment où vous aviez des circuits où en gros les gens étaient rassurés. Et d'où l'importance fondamentale de Jean Paulhan, qui est en quelque sorte la plaque tournante. Ah oui, il y a un rôle absolument très important. Parce que quand Jean Paulhan dit « tu devrais songer dans son bureau de la NRF chez Gallimard en face de celui de Pierre Drieu-La Rochelle », tu devrais songer à donner un texte à ces éditions de minuit. Alors évidemment, même Gide dit « bon, alors peut-être qu'il va falloir y aller ». Gide qui disait par ailleurs « ne me présentez pas des Allemands, ils risqueraient de me séduire », mais qui a quand même donné des pages de journal. Et donc Paulhan va être ce canal de guidage des textes vers les éditions de minuit. Et l'autre personne qui va jouer un rôle très important, c'est Debut Bridel, parce qu'il est très investi. Qu'on a entendu aussi. Oui, que vous avez entendu, absolument. Et puis, il va y avoir les liens avec les communistes, et notamment Aragon, Triolet qui vont venir, et puis surtout le retour de Paul Éluard au Parti communiste, puisque c'est le moment où Éluard revient au Parti communiste, se réconcilie avec Aragon, et donc toute la poésie va être amenée par Éluard. Alors, le premier acte de résistance de Vercors, c'est donc, et on dit, c'est un acte de résistance, hein, il est pas sur le terrain, mais c'est un acte de résistance. C'est donc son livre, Le silence de la mer. Alors, le silence, on comprend, on l'expliquait, hein, c'est le silence qu'il demande aux Français face à l'occupant. Mais, il n'y a pas de mer dans ce roman. Qu'est-ce que ce titre veut dire, Le silence de la mer? Si, il y a plein de mer dans ce roman. Oui, Non. Justement, parce que je me disais que j'avais, grâce à vous, en revenant là-dessus, je me suis dit que j'avais totalement pas vu quelque chose de vraiment important. Le silence de la mer, c'est un livre qui est dédié à Saint-Paul Roux, poète assassiné. Mmh. Et le manoir de Saint-Paul Roux, il est juste face à la mer, à Camaret. D'accord. Et cette référence à Saint-Paul Roux, elle est très très importante. D'abord parce que elle est très importante à deux titres. Parce que Saint-Paul Roux est un poète qui aujourd'hui est un poète complètement oublié, alors qu'il était considéré par André Breton, ce qui n'est quand même pas rien, comme étant le point de contact entre le classicisme et la modernité. Il se trouve que en juin 40, un soldat ivre va arriver dans son manoir, qui est donc face à la mer, va se jeter assez brutalement sur sa fille qu'il va blesser, va le blesser lui-même, va violer sa fille, et avant d'être déféré à un conseil, à une cour martiale. Et c'est un choc énorme pour Saint-Paul Roux, qui ne va pas s'arrêter là, puisque il va y avoir une deuxième visite par les Allemands de son manoir en octobre 1940. Et là, pour le coup, tout le bureau de Saint-Paul Roux va être dévasté. Tous ses manuscrits, et en tout cas une grande partie d'entre eux, brûlés et détruits. Et là encore, avec ce qui se passe avec les manuscrits de Céline aujourd'hui, ça fait un tout petit peu écho. Et il se trouve que Saint-Paul Roux se remettra jamais, il a près de 80 ans, de la destruction de son œuvre. On peut comprendre. Par les nazis, et il va mourir en octobre 1940. Mmh. Et là, il va y avoir, en décembre 40, deux hommes qui sont brouillés depuis des années, qui sont quand même deux piliers de la littérature. L'un est Aragon, dans un texte qui s'appelle Saint-Paul Roux, l'espoir. L'autre est André Breton, dans un texte qui s'appelle Fata Morgana. Et tous les deux grandes figures du surréalisme vont rendre hommage à Saint-Paul Roux. Et si le silence de la mer est dédié à Saint-Paul Roux, et il faut vraiment lire Saint-Paul Roux. Alors je vous dis tout de suite, c'est chez un tout petit un tout petit éditeur qui s'appelle Rougerie, qui a beaucoup réédité Saint-Paul-Roux, et c'est quelque chose d'absolument magnifique. Dans l'intégrité, dans ce qui est un rapport à la chose littéraire, et le fait que Le silence de la mer s'inscrive dans cette tradition-là, et conjugue, en quelque sorte, la barbarie nazie, avec, ce qu'a très bien dit Schumann, l'espoir, l'ouverture. On combat les nazis, on ne combat pas l'Allemagne. Mais c'est ça, on le disait aussi dans le racisme. Ça fait très partie des choses absolument essentielles. Et donc, ça invite vraiment à lire avec plus de densité Le silence de la mer. Et le silence, alors le côté silence, on dit aux Français, ne répondez pas. Peut-être que le danger de la collaboration, ce serait commencer par la parole, finalement. Donc il faut ériger un mur. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce silence ? Alors, c'est la réponse à ce qu'est la reparution de la NRF en décembre 40, avec un texte de Jacques Chardonne, qui était, je crois, l'auteur préféré du président Mitterrand. Absolument. C'est ça, ouais. Qui s'appelle « Un été à la Maurie », et qui est un texte absolument hallucinant. C'était une promiscuité régionale, je crois, entre Mitterrand et Chardonne. Ah oui, ça c'est mieux qu'idéologique. Et donc, il se trouve que dans « Un été à la Maurie », vous avez quelqu'un, un notable qui accueille les Allemands qui viennent d'envahir la France, et qui propose donc de déguster un cognac. Voilà, Charente. Voilà. Produit bien identifié de la Charente, les grandes régions françaises. D'ailleurs, oui. C'était pour ça que les nazis étaient en France, c'était pour faire un parcours culinaire et dégustatif. Oui, ça devait être plus doux que d'être sur le front russe, c'est clair. On est d'accord. Et donc, la chose, c'est un texte qui a beaucoup choqué dans le milieu littéraire, en disant non, ça va quoi. Ça va, ouais. On n'est quand même pas obligé, en plus, d'aller sortir nos bonnes bouteilles. Et il va y avoir donc une vraie réaction, en disant on n'est pas obligé. Voilà. Et le choix du silence, et c'est de Bubridel qui le théorisera comme étant une attitude politique. En disant, bon, on vous demande pas d'être des héros. D'accord? On a bien compris que voilà, on pense pas que tout le monde va aller porter des bombes. Et il faut bien voir que cette stratégie du Parti communiste qui était, quand ils ont décidé de commencer les attentats à Paris, qui était vraiment une stratégie politique très pensée, mais qui est une stratégie qui était extraordinairement risquée. Manoukian notamment. Et qui, avait des coûts très élevés parmi la population civile. Et donc, le général de Gaulle était très très réticent par rapport à ça. En revanche, le silence, tout le monde peut se taire. D'accord ? On vous demande juste... Tout le monde a le droit de se taire et tout le monde doit se taire. Tout le monde doit se taire. Alors, c'est en réalité... Et donc, c'est en quelque sorte le bon de bonne conduite de l'occupé. D'accord. Je vous interromps juste 2 minutes et demie, le temps d'écouter The Smile, The Smoke... Et on en parle ensemble après, bien sûr. See you. Pour imprimer des livres, qu'ils soient importants ou non, ben, il faut un imprimeur. Et on a eu donc Jérôme Lindon, non pas Vincent, Jérôme Lindon, qui de stagiaire devient PDG, donc ça c'est amusant, mais bien au-delà de ça, son rôle, sa trace. Oui, vous avez noté justement l'importance des imprimeurs, et notamment dans la condition de la clandestinité, parce que Jérôme Lindon, il vient de là aussi, c'est-à-dire qu'il a des états de résistance, alors il fait pas d'imprimerie pendant la clandestinité, mais le rôle des imprimeurs a été absolument essentiel, et dans l'histoire intellectuelle de la France, ça reste encore quelque chose qu'on connaît très très mal. Alors on connaît les imprimeurs des éditions de Minuit, ou de Ville, Hollard, et puis ensuite des imprimeurs communistes, mais c'est des gens auxquels on a en réalité très peu rendu hommage. Et dans les tensions qu'il va y avoir à la libération entre Pierre de Lescure et Vercors, la question des imprimeurs va être un point d'accroche tout à fait important, en disant, bon, on avait besoin de textes, d'accord, mais si on n'avait pas eu d'imprimeurs, on faisait pas de livres. Donc c'est très important que Jérôme Lindon, en quelque sorte, la légitimité de Jérôme Lindon quand pour il rentre la tête de cette maison, bah oui, par la petite meurt. Porte, enfin parce qu'il a, bon ça c'est sa façon de raconter l'histoire, mais elle est vraie, quand il rentre comme imprimeur, elle est d'une certaine façon extrêmement forte aux éditions de Minuit, parce que aux éditions de Minuit, c'est une maison de toute petite taille, et Jérôme Lindon c'était quelqu'un qui savait faire un livre du début à la fin. Et donc, ça va avoir une importance absolument essentielle dans ses engagements politiques, notamment dans l'engagement politique sur l'Algérie, parce que il sait très bien les risques qu'il fait courir aux imprimeurs, et donc quand il va imprimer Janson, par exemple, qui à l'époque était totalement clandestin, quand il imprime Notre guerre de Janson, il fait composer le titre dans deux maisons différentes. Il a un chef de FAB dont il ne partage pas les idées, mais dont il ne doute absolument pas de la loyauté, qui est Claude de Capdenac. Et effectivement, ils vont sortir ce livre. Mais quand Le Seuil apprend que Janson, qui est un auteur de la maison, sort aux éditions de Minuit, Paul Falmon lui dit, écoutez, cher ami, ça aurait été gentil de me prévenir. Et Jérôme Lindon lui dit, écoutez, ça tombe très très bien, parce que j'attends, moi je peux vous l'apporter, il suffira de le couvrir autrement, vous mettez votre couverture, je vous apporte le livre, on est à trois rues. Il dit, c'est bizarre, mais Paul Flamand, il n'en a jamais voulu de Notre guerre de Janson, qui est donc paru aux éditions de Minuit, et qui a été un des livres saisis, comme il y a eu 19 saisis à ce moment-là. Et en quelque sorte, je crois, et ça on voit très bien ressurgir le passé de la résistance à ce moment-là, parce que c'est parce que les éditions de Minuit ont été le silence de la mer que Jérôme Lindon sera l'éditeur de la question d'Alègue. Bien, on va terminer par un rendez-vous. Il se passe quelque chose lundi à Paris en relation directe avec notre sujet. Absolument. Les communistes déposent une gerbe devant la boutique de Claude Houtwild, qui a donc été ce premier imprimeur des éditions de Minuit, au 88 boulevard de l'Hôpital à 18h. Qu'on prenne qui voudra et vienne qui pourra. Et si, alors, je pour renvoyer maintenant nos auditeurs à cette histoire, s'ils veulent aller plus loin, donc je rappelle vos ouvrages consacrés aux éditions de Minuit, les éditions de Minuit 1942-1955, le devoir d'insoumission, c'est bien ça, et puis le droit de désobéissance, les éditions de Minuit en guerre d'Algérie, publiées aux éditions de Minuit en 2012. Merci infiniment pour nous avoir transmis votre immense connaissance de ce sujet. Merci. Anne-Simona. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les éditions de Minuit, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.